bonjour. Je me permets de prendre cet air condescendant, car durant l'émission sur Sonic, je n'ai pas entendu une seule fois cette histoire de rêve mobile, c'est-à-dire la première apparition de Sonic. Donc, j'ai envie de dire, Blockbuster, c'est pas Jojo. Voilà, au revoir. Oui, bonjour. Alors, peut-être que la vision était trop fine pour moi. J'ai réécouté deux fois le podcast. Mais vous parlez de la chanson de Laura de Johnny Hallyday qui a été écrite, composée et enregistrée par Jean-Jacques Goldman. Donc là, je suis un peu perdue. Mais bon, je sais bien que j'ai une araignée dans la tête, mais c'est pas grave. Je retourne écouter, grâce à vous, mon intégrale de Jean-Jacques Goldman. Je pense que j'en ai pour un petit moment. Merci et bonne continuation. Salut, c'est Karine. Écoutez, si vous croisez Jean-Jacques Goldman, que j'ai quand même étudié au collège, La vie par procuration, qui est une chanson que je détestais. Je crois qu'aujourd'hui encore, je la déteste d'ailleurs, mais il y en a tellement d'autres que j'aime. Tellement d'autres qui me font encore pleurer ou hurler. Quand je chante, je mets tout monde sur, je sais pas, 70% de ses chansons. En fait, voilà, ce que je voulais vous demander, c'est assez simple. Si vous le croisez, bah, vous lui dites que je l'aime. Coucou Frédéric, c'est Carole. Je suis personne, j'ai rien d'intéressant à dire, mais j'aimerais bien vous entendre, vous et des spécialistes, sur l'assassin royal. Est-ce que vous pourriez en parler et me faire plein de petites fiches que je découvrirai et plein de trucs que j'apprendrai, parce qu'à chaque fois que j'écoute votre émission, je deviens moins bête. Donc on progresse. Merci, au revoir. To be or not to be, not to be. J'aime Spider-Man. Non, vraiment, vraiment, j'ai une passion sincère et totale pour ce personnage depuis tout petit. Toutes les fois où j'ai eu le sentiment que la vie s'acharnait sur moi, que les factures s'entassaient dans ma boîte aux lettres sans que je sache vraiment comment les payer, les fois où mon travail était ingrat et qu'un supérieur hiérarchique m'avait dans le nez, tous ces moments où j'ai été confronté à la perte d'un proche, c'est pas Batman qui m'a aidé, c'est pas Superman qui m'a inspiré, c'est Spider-Man. Car ses problèmes, il les a eus lui aussi. Spider-Man a les mêmes problèmes que tout le monde, à la différence que lui devra gérer en plus la folie du bouffon vert, ou une tentative de cambriolage du choqueur, tout ça avant 15h, l'heure de l'IRM de Tante May qui a un nouveau concert. Spider-Man, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. Tant et si bien qu'aujourd'hui, quand on dit « j'aime Spider-Man », on peut légitimement demander « lequel ?» Peter Parker, le premier Spider-Man ? Ben Reilly, son clone ? Miles Morales, venu d'un autre univers ? Miguel O'Hara, venu du futur ? Gwen Stacy, la Spider-Woman ? Ou bien encore Spider-Ham, le Spider-Cochon ? Spider-Man, c'est devenu plus qu'un héros, c'est devenu un style de vie, c'est une philosophie. Être Spider-Man, c'est se dire que même si on est dans l'adversité, même si on fait face à des injustices qui nous dépassent, non seulement on peut y mettre fin, mais on le doit. Spider-Man, c'est Victor Hugo qui disait que la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais elle le doit. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Sigrist. Allez, je vous la refais une dernière fois. Je m'appelle Peter Parker. J'ai été mordu par une araignée radioactive. Et depuis 10 ans, je suis le seul et unique Spider-Man. Je parie que vous connaissez la suite. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. J'ai sauvé un max de gens. Connu le grand amour, sauvé la ville. Et j'ai re-sauvé la ville, encore et encore et encore. Et j'ai fait ça, et ça aussi. Mais on n'en parle pas trop. Bon, je suis une BD, une marque de céréales. J'ai un générique extra et une glace bof bof. J'ai été plus amoché que ça. Mais malgré tout ça, j'adore toujours être Spider-Man. Qui n'aimerait pas ? Alors peu importe combien de coups j'encaisse, je trouve toujours le moyen de revenir. Apparu en 1962, Spider-Man fait partie des rares super-héros à être immédiatement reconnaissable sur la planète entière. Créé par les regrettés Stan Lee et Steve Ditko, Spider-Man peut être plus encore que Batman ou Superman et la définition même que l'on se fait d'un héros dans nos sociétés occidentales. Se balançant de toile en toile, Spider-Man, c'est ce héros du quotidien qui s'affranchit du carcan de nos métropoles bétonnées. Masqué de la tête aux pieds, Spider-Man peut être un homme, une femme, un blanc, un noir, Peu importe sa couleur et son genre, seule son envie de faire une différence à sa toute petite échelle fait de lui ou d'elle un héros. Car comme vous le savez tous, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et pour parler de tout cela, j'ai avec moi Océane Zerbini. Bonjour. Bonjour Frédéric. Océane, vous êtes spécialiste en pop culture, fondatrice du podcast The Lemon Adaptation Club et rédactrice pour le site Les Chroniques de Cliffhanger & Co. Tout à fait. Également avec nous Corentin. Bonjour Corentin. Bonjour Monsieur Sigrist. Rédacteur pop culture pour le réseau Art, ce qui réunit les sites Comics Blog, Sci Fantasy et 9ème Art. Oui. Et d'ailleurs, bravo pour la refonte du site, j'ai vu. Merci, merci à vous pour le partage. Jimmy Bisput, bonjour. Bonjour Frédéric. Vous êtes gérant de la boutique Le Comics Corner à Paris dans le 11e arrondissement, une librairie dédiée aux comic books. Exactement. Et enfin, voilà, le grand maître, le père Fouras de la culture comic book, Xavier Fournier. Hein, vous êtes journaliste, écrivain et grand spécialiste de l'histoire de la bande dessinée américaine. Bonjour, merci de me mettre la pression dès le début, super. Bah oui, mais en même temps, il faut rendre à César ce qui est à César. Non, mais moi c'est Xavier. Moi. Ensemble, on reviendra sur la genèse de Spider-Man, comment le personnage a réussi à passer les années en restant aussi populaire. On reviendra sur ce qui fait de Spider-Man un personnage unique parmi le panthéon des super-héros. On parlera de ses multiples déclinaisons sur différents médias et comment au fil des ans, on ne parle désormais plus de Spider-Man, mais plutôt de Spider-Man. Allez, on file immédiatement dans le quartier du Friendly Neighborhood Spider-Man. Tu es une créature stupéfiante, l'araignée. Toi et moi ne sommes pas si différents. Je ne suis pas comme toi. Tu es un meurtrier. C'est comme ça. Chacun son destin. J'ai choisi ma voie, tu as choisi celle du héros. Et les habitants de la ville t'ont trouvé amusant pendant quelque temps. Mais il est une chose qu'ils aiment plus encore qu'un héros. C'est voir un héros échouer, chuter, mourir au combat. En dépit de tout ce que tu as fait pour eux, ils finiront par te détester. Pourquoi t'accrocher ? Parce que c'est juste. Je vais te dire la vérité. Il y a 8 millions d'habitants dans cette ville. Cette gigantesque fourmilière humaine a un seul et unique objectif. Admirer et porter sur ses épaules les êtres exceptionnels. Toi et moi, nous sommes exceptionnels. Sache que je pourrais t'écraser comme un insecte sur le champ. Mais je vais te laisser le choix. Joins-toi à moi. Imagine ce que nous pourrions accomplir ensemble. Ce que nous pourrions créer. Mais nous pourrions aussi détruire... causer la mort d'innombrables innocents dans d'égoïstes combats encore et encore et encore, jusqu'à mourir tous deux. Est-ce là ce que tu veux ? C'était un extrait de Spider-Man 1 réalisé par Sam Raimi, conversation entre le Green Goblin, le bouffon vert, et Spider-Man. Alors, je le dis tout de suite en préambule, nous n'allons pas parler des adaptations ciné de Spider-Man, parce que pour moi, je suis un puriste, je préfère retourner à la source de la popularité de Spider-Man, c'est-à-dire le comic book. Et justement, ce comic book, Xavier Fournier, il vient d'où ? Il vient des États-Unis. Il vient des États-Unis. C'est très bien. Je savais que vous étiez un spécialiste. Ça se voit tout de suite. Les éditions Marvel, qui étaient en pleine refonte au début des années 60 et qui, après avoir lancé quelques titres comme les Fantastiques, se sont dit on pourrait faire un héros adolescent, ce qui n'était pas courant à l'époque. Les adolescents dans les comics c'était plutôt ce qu'on appelle des sidekicks, des faire-valoir. Donc on avait Robin aux côtés de Batman, mais un héros indépendant jeune. Et qui s'appelle pas Spider-Boy, qui s'appelle Spider-Man, c'est déjà quelque chose qui est un peu au rendez-vous de l'histoire, parce que fondamentalement, dans les années 60, la jeunesse américaine, elle s'énerve un peu, et ce héros-là, il va tomber au bon moment pour être populaire auprès de la jeunesse américaine. Et alors, c'est une co-création, c'est-à-dire qu'initialement, il y avait un personnage qui avait précédé qui s'appelait la mouche, The Fly. Oh, alors là, c'est un vrai feuilleton. C'est-à-dire qu'en gros, depuis les années 50, l'idée passait d'auteur en auteur. Il y avait un scénariste qui s'appelle Joe Simon, qui avait commencé à réfléchir sur un personnage qu'il avait appelé Spider-Man. Puis finalement, il s'était découragé, il avait rebaptisé son personnage La Mouche, et un ancien partenaire de Joe Simon, qui s'appelle Jack Kirby, qui est une célébrité dans les auteurs de comics, qui travaillait pour Marvel, a emmené le dossier à Marvel et a dit « pourquoi on ferait pas ce personnage-là » Et ça s'est transmis comme ça, à chaque fois avec des valeurs ajoutées au fur et à mesure. Après, il faut reconnaître que Stan Lee a créé Peter Parker. La manière de parler de Peter Parker, ça c'est du pur Stan Lee. Et il y a également le design du personnage par Steve Ditko. Par Steve Ditko, très inspiré d'un vieux serial des années 60, des années 40, pardon, qui s'appelle The Spider, tout simplement. Et alors, qui est Peter Parker ? Parce que dans le panthéon des super-héros, c'est vraiment... c'est vraiment monsieur tout le monde, en fait, Peter Parker. C'est un étudiant qui galère avec les filles, qui galère professionnellement. Et il y a toujours des problématiques de loyer qui restent en attente. Et puis, familialement, c'est vraiment la loose du début à la fin. C'est de la chanson réaliste, hein, c'est de la petite vendeuse d'allumettes. Hein, c'est pratiquement ça. Même dans les années 60, ce type de misère était déjà extraordinaire en un sens. Mais c'est ce qui rend le personnage sympathique. Il est poignant parce que c'est pas un jeune premier, c'est pas Gontran Bonheur, c'est pas le type à qui tout sourit, et on sait qu'à un moment il sera jamais récompensé pour son héroïsme. Corentin, vous avez découvert Spider-Man, qui est votre super-héros préféré, je crois. À quel moment? Alors moi, en fait, ça passe pas par les comics. Je l'ai découvert quand j'étais petit avec le fameux cartoon des années 90. À l'époque où Marvel était en grande forme, il y avait un cartoon aussi Iron Man, il y avait différents cartoons en phase de DC qui avaient quand même une production animée plus riche. DC Comics étant les concurrents officiels de Batman, Aquaman, Superman de Marvel. Et effectivement, déjà à l'époque, il y avait vraiment tous les personnages dans ce dessin animé-là. On avait Mysterio, on avait le Shocker, on avait le Lézard, tous ces personnages-là qui sont en fait cultes grâce aux comics. Et par la suite, en fait, mon plus vieux souvenir, je crois, c'est une fameuse bande-annonce où en fait des braqueurs de banque se retrouvent piégés dans la toile de l'araignée entre les Twin Towers pour le film Spider-Man. Et par la suite, donc, dans les bandes dessinées en courant des années 2010, on va dire à peu près. Après, moi je pense que Spider-Man, de toute façon, comme tu disais, il a une qualité exceptionnelle, c'est que c'est pas un milliardaire, contrairement à Batman, c'est que c'est pas un héros bon sous tous les angles, c'est pas non plus un membre d'une famille, c'est un héros solitaire dans un monde très compliqué, très brutal aussi, et c'est ce qui le rend pour moi intemporel et vraiment très unique, c'est que c'est un héros de galérien en fait, on va dire, et du coup, comme on est tous des galériens, il nous parle à tout le monde, je pense. Océane ? Oui, mais je suis assez d'accord avec Corentin. Moi, j'ai découvert Spider-Man grâce à ma maman qui avait acheté la VHS de Spider-Man 1 de Sam Raimi et la VHS de 3 épisodes du dessin animé aussi, dont l'épisode avec Mysterio. Et ça a été le coup de foudre direct. Et ensuite, pendant mes années fac, au lieu de suivre les cours, je lisais les intégrales de Spider-Man sous la table. Donc voilà, je dois beaucoup à Spider-Man pendant mes années fac. Jimmy Bismuth. Moi, j'ai commencé Spider-Man par les comics. Et j'avais toujours espéré pendant très longtemps qu'il y ait un jour des adaptations en dessin animé ou en live que je pourrais voir. Et c'est vrai que je me souviens de lire et lire des formats mensuels, les formats qu'on achetait dans les kiosques, quoi, les formats souples, et de passer mon temps à redessiner les poses les plus étranges et cheloues que pouvait faire Spider-Man. Voilà, dans ces positions qu'on connaît, tout fléchi, tête en l'envers ou autre. Oui, entre deux immeubles. Exactement. Donc j'avais des agendas remplis de dessins de Spider-Man. Et après, comme tout le monde, j'ai suivi le dessin animé, les films live, etc., etc. Alors, on l'a dit, Peter Parker est un orphelin, en fait. Il a perdu ses parents. Il est élevé par sa tante et son oncle, tante May et oncle Ben. Et c'est un élève extrêmement brillant. Il est très, très intelligent, mais il est qualifié dans son collège de nerd. C'est vraiment l'enfant marginal, un peu mis à l'écart par son intelligence. Xavier Fournier. Oui, il est nerd avant que l'expression soit consacrée. Et c'est ce qui va faire aussi que le personnage est intemporel, parce que ce gars-là n'est jamais à la mode. Il y a eu certaines adaptations cinématographiques, le diptyque de Amazing Spider-Man par Mark Webb, qui faisait l'erreur d'en faire un gars qui fait du skate avec la veste américaine. Ça, c'est vraiment une erreur de casting, parce que Peter Parker, c'est toujours le gars qui va avoir des jeans larges quand ils sont pas à la mode, et triqués quand c'est les larges qui sont... Il y a toujours un décalage, et ça rend la BD intemporelle, parce que ce procédé-là, on peut le transposer de décennie en décennie, et ça fonctionne. Alors, on va continuer de parler de Peter Parker et donc de Spider-Man, mais pour l'instant, on va écouter What's Up Danger, tiré de la bande originale du film d'animation absolument exceptionnel, Spider-Man Generations. No thermometers, 2,000 surrounding us. Travel 2,000 kilometers to hang out with us. What's up, danger? What's up, danger? Hey, didn't know they doubted us. Makes it that more marvelous. Sign them up, cause ominous vibes and I guess anonymous. What's up, danger? Hey, don't be a stranger. Cause I like high chances that I might lose. I like it all on the edge, just like you. Hey, I like tall buildings so I can leap off of them. I go hard with it, no matter how dark it is. I'm insane, but on my toes. I could keep the world balanced on my nose. I had a slumber party with all my foes. Now I wear them like a badge on all my clothes. If I'm crazy, I'm on my own. If I'm waiting, it's on my phone. If I sound lazy, just ignore my tone. Cause I'm always gonna answer when you call my phone. Like, what's up, danger? Blindfold on. Mama always asking, where did I go wrong? What's up, danger? What's up, danger? Travel 200 miles, I'm knocking at your door. And I don't really care if you ain't done wrong. Come on, what's up, danger? Don't be a stranger. I like it when trouble brews, I won't dare change. I like it when there's turbulence on my airplanes. I like it when I sense things that I can't see yet. Swimming with sharks when they ain't feed yet. Cause I like high chances. Sound lazy, just ignore my tone. Cause I'm always gonna answer when you call my phone. Like, what's up, danger? Like, what's up, danger? C'était What's Up Danger, interprété par Blackway et Black Caviar dans Blockbuster sur France Inter. Dans l'épisode précédent de Peter, le roi du couac, je t'ai dit de ne pas fourrer ton nez là-dedans. Au lieu de ça, tu as piraté un costume à plusieurs millions de dollars pour pouvoir faire tes petites combines en douce dans mon dos pour faire ce que je t'ai interdit de faire. Il y avait ces armes qui se baladaient. J'ai essayé de vous dire ce qui se passait, mais vous n'avez pas écouté. Rien de tout ça serait arrivé si au moins vous m'aviez écouté. Et si vous en aviez quelque chose à faire, vous seriez ici. Je t'ai écouté, petit. À ton avis, qui a prévenu le FBI? Tu te rends compte que j'étais le seul à croire en toi? Tout le monde pensait que j'étais fou allié parce que je voulais recruter un gamin de 14 ans. Là, j'ai 15 ans. Non, là, tu fermes ton clapet. Ok, parce qu'il y a un adulte qui te cause. Si quelqu'un était mort ce soir, ça changera tout, hein, parce que ce serait ta faute. Et si tu meurs, pour le coup, ce sera ma faute. Je veux pas avoir ça sur la conscience. Oui, monsieur, ouais, pardon. Mais non, je suis désolé. C'est du vent, s'excuser. Je comprends. Je voulais simplement être comme vous. Et j'aurais voulu que tu me surpasses. Bon, ça marche pas, je vais reprendre le costume. Pour longtemps? Pour toujours, ouais. Non. C'est comme non, ça que non, ça non, marche. Non, pas ça. Allez, monsieur Stark, vous comprenez pas. Pitié, c'est tout ce que j'ai. C'est vrai, je suis rien sans le costume. Si vraiment tu n'es rien sans ce costume, c'est que tu ne le mérites pas. Tu comprends ça? Ah, je pourrais entendre mon père. Je porte rien, Zou. Je rappelle que durant tout cet été, via notre répondeur, vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20. Je répète, le 01 56 40 30 20 sur le sujet du jour, c'est-à-dire Spider-Man. Alors, Peter Parker est un génie, orphelin, qui vit donc chez sa tante May et son oncle Ben. Et initialement, quand il est mordu par cette fameuse araignée radioactive et qu'il développe des super-pouvoirs, il n'a pas immédiatement l'envie de devenir quelqu'un de bien. Il a envie de faire de la thune en devenant célèbre. Corentin. Oui, tout à fait. Bah, au départ, en fait, comme on l'a dit, c'est un héros qui n'a pas beaucoup d'argent en fait, et donc il va devenir une sorte de divertisseur de foule, on va dire. Alors il y a des versions où il fait du catch, il y a des versions où il fait juste des spectacles avec ses toiles. Et au cours d'une de ces représentations, il va du coup pas être payé grand chose par son impresario. Et quand celui-ci va se faire braquer, il va laisser le malfrat s'enfuir en fait. Et ce malfrat, bah, en quittant les lieux, va tirer sur son oncle Ben et causant la mort de ce dernier. Du coup, c'est là qu'intervient la fameuse morale de grand pouvoir implique de grandes responsabilités, ce qui veut dire que si tu as la capacité de faire quelque chose de bien, et qui est vraiment le motto de Spider-Man, il faut que tu le fasses, peu importe que ça te coûte du temps, de la motivation, etc. Et Xavier Fournier, c'est intéressant de voir que cette maxime qui était vraiment juste la matrice de Spider-Man est devenue une phrase qui est connue même par des gens qui n'ont jamais lu Spider-Man. Un grand pouvoir implique une grande responsabilité, c'est-à-dire que même aujourd'hui, socialement parlant, on se dit, oui, quand par exemple des sceptiques du climat disent, oh, on s'en fiche, c'est pas notre problème, et ben, j'ai entendu cette phrase dire, attendez, un grand pouvoir implique des grandes responsabilités. Ce qui est d'autant plus rigolo, c'est qu'il y a des auteurs classiques qui ont utilisé cette phrase avant Spider-Man. Un, deux, trois, les noms m'échappent, mais c'est devenu indissociable de Spider-Man et on le rattache à ça. Et il y a un premier ministre actuel qui l'a déjà cité dans des discours, donc c'est un peu hallucinant, effectivement. Ouais. Ça a marqué les esprits. Ça a marqué les esprits. Et alors, on parle évidemment d'une bande dessinée, et qui dit bande dessinée, dit dessinateur. Il y a des dessinateurs phares qui ont fait entrer Spider-Man dans la légende. Jimmy B. Smith, j'aimerais bien qu'on les aborde. Quel est votre dessinateur, quel est votre Spider-Man préféré? J'en ai un certain nombre. Alors, c'est vrai que moi, je garde en mémoire énormément le travail de Todd McFarlane oui. sur Spider-Man. Le créateur de Spawn également. Créateur de Spawn qui a donné un côté très mature et assez dérangeant, surtout pour les personnages méchants. Bon, en même temps, McFarlane adore les méchants et on retrouvera des personnages qui avaient un côté très très lisse et limite cartoon, comme le lézard qui ressemblait vraiment. Donc le lézard, c'est donc un homme qui après s'être injecté de différentes substances provenant des lézards, se transforme lui-même en une sorte de lézard garou, si on veut. D'ailleurs, au passage, c'est vrai qu'il y a une récurrence du scientifique qui se laisse dépasser par sa propre création et qui devient une version monstrueuse de lui-même. C'est un grand classique dans l'univers de Spider-Man. C'est pareil avec le Docteur Octopus, Norman Osborn, etc. Et du coup, justement, un dessinateur comme McFarlane va faire des versions vraiment cauchemardesques de ces créatures avec des grandes dents pointues. C'est à lui qu'on doit Venom. Exactement. C'est lui qui va reprendre et finaliser la création, l'apparition du costume noir de Spider-Man et ensuite la concrétisation du personnage de Venom qui est devenu extrêmement populaire, qui est devenu vraiment l'antagoniste de Spider-Man, même plus que le Bouffon Vert ou que le Docteur Octopus. Mais ouais, donc McFarlane, pour moi, je pense que c'est vraiment un grand classique pour les dessins de Spider-Man. Xavier Fournier, John Romita senior, qui est le deuxième dessinateur de Spider-Man, mais qui a permis à la série d'atteindre un autre niveau. Pourquoi? Parce que ce gars-là venait de la BD sentimentale, et d'un seul coup, les fiancés potentiels de Peter Parker, qui sont d'un côté Mary Jane Watson et de l'autre côté Gwen Stacy, ont pris des airs de pin-up, et c'est devenu un vrai phénomène populaire. Et surtout, je pense que l'audience a découvert il y a pas longtemps la série télé Riverdale, qui est inspirée d'un vieux comic qui s'appelle Archie. Et la Betty vie, et le campus de Peter Parker est très inspiré de celui de Archie, et la rivalité entre Betty et Veronica, elle a été transposée à travers ces deux personnages féminins. Et la BD a trouvé son rythme de croisière avec l'arrivée de John Romita Sr. John Romita Sr. Qui a ensuite créé une école, et il y a même toute une lignée. Son fils a dessiné Spider-Man, John Romita Jr. a dessiné pendant très longtemps. C'est pour ça qu'on précise Senior. Le fils est une dynastie. Le fils a commencé à travailler sur des épisodes de Spider-Man à 11 ans. Il a co-créé un personnage que certains auditeurs connaissent peut-être, qui s'appelle le Rôdeur. C'est lui qui a eu l'idée du personnage. Et il a travaillé des années. Je crois que c'est le deuxième dessinateur qui a dessiné le plus d'épisodes de Spider-Man de l'histoire du personnage. Enfin, c'est John Romita Jr. qui dessine désormais Superman. Superman, tout à fait. Océane Zerbini, le dessinateur. Pour pas être très original, John Romita Sr. aussi. Et j'aime beaucoup ce qu'il a fait de Mary Jane et de Gwen Stacy, qui sont parmi mes personnages féminins préférés de chez Marvel, entre autres grâce à son dessin. Après, un peu plus récemment, en matière simplement de dessin, j'aime beaucoup ce qu'en a fait Olivier Coipel. Oui. Cocorico. Cocorico. Dessinateur français. Et ouais, pour moi, c'est vraiment Romita Senior et Coipel qui ont le plus compté, en tout cas, dans mon cœur pour moi. Corentin ? Bah, je suis désolé, je vais pas être non plus très original, mais j'aime beaucoup le travail de McFarlane aussi, qui a révolutionné Spider-Man avec ses fameuses toiles qui ressemblaient à des lianes et qui a effectivement... Les toiles spaghetti, ouais, effectivement. Il s'est fait beaucoup engueuler pour ça d'ailleurs à l'époque par son éditeur. Sinon, j'aime bien aussi toute une école de dessinateurs qui ont un trait plus élancé, plus difforme, avec les Mark Bagley, les Stuart Timonen, qui vont donner un trait beaucoup plus dynamique, beaucoup plus aérien au personnage. Et je pense qu'il y a vraiment un style Spider-Man, en fait, avec les déformations, avec les casse-traits verticales et compagnie, que... J'aime beaucoup le travail classique de Romita Senior, mais pour moi, Spider-Man a vraiment commencé à exploser à partir de McFarlane, en termes graphiques et au niveau de tout ce qu'on pouvait faire avec ce personnage-là. Je fais un petit clin d'œil quand même à Humberto Ramos, qui a dessiné Spider-Man très très longtemps et dont j'aime énormément le travail aussi. Et voilà, qu'on cite pas assez souvent. Et là, je suis sûr qu'il y a plein de fans qui sont super énervés parce qu'il y a, oui. il y a 18 ans. De toute façon, Blockbuster n'a pas vocation à être exhaustif. Souvent, les gens disent oui, vous n'avez pas parlé de ça. Le but du jeu de cette émission, c'est de donner envie de voir peut-être une autre facette de quelque chose dont vous entendez parler depuis longtemps. Et voilà, on est plus là pour donner envie plutôt que de tout dire. Et en plus, il y a des sites très bien faits sur les comics, sur tout ça. Voilà. Alors, je suis entouré par des experts. Mais la question qu'on se pose toujours, c'est le sont-ils vraiment ? Vous l'avez deviné, c'est le moment du détecteur de mensonges. Je vais vous poser trois questions extrêmement pointues concernant Spider-Man. Saurez-vous y répondre ? Oui. Toute réponse sérieuse est totalement dispensable. Peter Parker est devenu Spider-Man parce qu'il a été mordu par une araignée radioactive. Pensez-vous qu'une araignée puisse acquérir des super-pouvoirs si elle est mordue par un humain radioactif ? Oui. Ils l'ont déjà fait dans les comics. C'est vrai ? Ouais. Mais je savais qu'il allait avoir une réponse. Expliquez. Il y a un magazine parodique de Marvel qui s'appelle What the ? Et ils ont déjà fait ce gag-là. Ou qu'est-ce qui passerait si une araignée était mordue par un humain radioactif ? Et donc elle et c'est un gag de deux pages, donc c'est pas très mémorable. Je pourrais pas vous le répéter de mémoire. Mais la BD existe chez Marvel. Ok, pour les connaisseurs. Deuxième question. Reed Richards est un super-héros. Peter Parker est un super-héros. Matt Murdock est un super-héros. Est-ce que Benjamin Biolay et Brigitte Bardot ont du potentiel ? Bah, ils ont la double consonne, hein, donc est-ce que c'est qualifiant ? C'est déjà un bon début, hein, c'est la meilleure base possible. Hein. Moi, j'aurais bien aimé m'appeler autrement, quoi. Baptiste Bismuth, là, tout de suite, là, j'aurais pu avoir ma chance. Mais bah oui. Non. Alors moi, je sais que mon deuxième nom de famille, c'est Ferté. Donc, en fait, Frédéric Ferté, déjà. Il y a quelque chose. Fais gaffe aux araignées radioactives. Hein. Dernière question. Peter Parker est connu pour enchaîner les petits boulots précaires. D'après vous, si on adaptait Spider-Man en France, il ramasserait des trottinettes électriques ? Il bosserait chez Deliveroo ? Ou il serait pigiste à Radio France ? Il serait pigiste et il serait livreur. Il serait tous ces petits boulots à la fois, en fait. Hein. Pour survivre, il faut bien ça. Pour le voilà. Jameson local. Voilà. Spécial dédicace à tous les super-héros du quotidien qu'on voit passer. Mais, comme les immeubles sont moins hauts, il dépenserait moins d'argent pour acheter sa toile, donc ça irait bien aussi. Mais en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'avec des questions complètement stupides, au bout d'un moment, on arrive à avoir un début comme ça de pensée. C'est très intéressant. Allez, tout de suite maintenant, on écoute Social Club, interprété par Oxmo Puccino, Caballero et Jean Jass. Toujours en survêt comme Jürgen Klopp. Ça sent bon, c'est pas une clope. Ça pousse de l'autre côté du globe. C'est réservé aux membres du club. Toujours en survêt comme Jürgen Klopp. Ça sent bon, c'est pas une clope. Ça pousse de l'autre côté du globe. C'est réservé aux membres du club. Banana, cheese, blueberry. Elle m'embrasse et je loupe mes rimes. Objectif à peine dévoilé, space cookie par chef étoilé. Les ladies nous remercient. Arrivé jeudi, reparti mardi. Je rallume le spardi si samedi. Appelle tes amis si ça dit. Toujours en survêt comme Jürgen Klopp. Ça sent bon, c'est pas une clope. Ça pousse de l'autre côté du globe. C'est réservé aux membres du club. Dispensaire à LA. Petit club à Barcelone. Coffee shop à Dame. Je suis brisé comme porte. Un nouveau style de locomotive. Ah, protège-toi à nos couverts. Ah, parce qu'il y aura des pogos d'office. Je donnerai aucun de mes bocaux aux flics. Avant l'égalité, on a légalisé. Garantie l'amour, la quantité, la qualité. La tête entre les nuages et les avions. Ça fait 10 ans que je suis en élévation. Les barreaux qui nous enferment, faudrait que nous les effacions. Avec Marie-Jeanne, j'ai préparé l'évasion. Toujours en survêt comme Jürgen Klopp. Ça sent bon, c'est pas une clope. Ça pousse de l'autre côté du globe. C'est réservé aux membres du club. Toujours en survêt comme Jürgen Klopp. Ça sent bon, c'est pas une clope. Ça pousse de l'autre côté du globe. C'est réservé aux membres du club. Y'a pas écrit entrée gratuite. Reste comme sur ta tweet. Rien que ça parle et que ça tweet. Billet dans un sac d'or. Concu dans la salle d'or. Je célèbre avec un salto. Désolé si j'ai l'air désagréable. C'est parce que j'suis encore clean. J'suis trop chaud. Allumer la clim. J'suis sapé comme si j'avais un clip. J'me sens lire comme une enclume. J'suis membre du club. Elle colle comme la glu. Grande bouffée air pur, les clés sont perdues, où est la voiture? Toujours en survêt comme Jürgen Klopp. Ça sent bon, c'est pas une clope. Ça pousse de l'autre côté du globe. C'est réservé aux membres du club. Toujours en survêt comme Jürgen Klopp. Ça sent bon, c'est pas une clope. Ça pousse de l'autre côté du globe. C'est réservé aux membres du club. C'était Social Club. Frédéric Sigrist. So far so good. Blockbuster. Sur France Inter. Minable, minable, minable, méga minable. $200 pour l'ensemble. Ça ne paraît un peu faible. Allez les vendre au plus offrant. Monsieur, votre femme dit que le carrelage que vous vouliez pour l'entrée n'est plus en stock. Dites-lui qu'on mettra un tapis. Assis. Faites voir. Je vous en offre 300, c'est le tarif standard pour les piges. Dégagez-moi la une, mettez cette photo à la place. Le titre ? Spider-Man, héros ou menace ? Photo exclusive du quotidien. Menace, il est venu protéger ce fameux. Objection, avocat, vous prenez vos photos et je fais mes titres, d'accord ? C'est bon, ça vous convient ? Oui, monsieur. Chouette ! Prenez ça à la fille dehors, elle vous fera payer. Je voudrais une place, monsieur. Pas de place, pigiste. Rien de meilleur au monde pour un gamin de votre âge. Apportez-moi d'autres clichés de ce clown vendeur de paperasse, peut-être que vous me les fourrierez. Mais je vous ai jamais promis un job. De la dinde. Je vous offrirai une belle dinde pour Noël. Je ne peux rien faire de mieux. Allez dehors. Apportez-moi d'autres photos. C'était un extrait de Spider-Man 1 de Sam Raimi. Nous sommes toujours ensemble pour parler de Spider-Man, bien évidemment. Et là, on a entendu le passage de J. Jonah Jameson, le rédacteur en chef du Daily Bugle, connu pour ses coups de gueule irascibles, anti-Spider-Man. Et... ça me permet de rebondir là-dessus, c'est-à-dire que Spider-Man, c'est aussi une galerie de personnages extrêmement, extrêmement forte, extrêmement complète. Il y a Tante May, on peut parler un petit peu de Tante May quand même, qui a une importance fondamentale, Jimmy Bismuth. Bah, Tante May, c'est un peu le point d'ancrage, le retour à la réalité pour Peter Parker à chaque fois qu'il finit une journée de dingue. Entre ses petits boulots, ses cours, sa vie de couple quand il en a, et ses affrontements avec les super vilains quand il rentre chez lui, il y a Tante May qui lui a préparé des cookies, ou il y a Tante May qui va faire un AVC. Enfin, il y a tout le temps un truc autour de Tante May. Tante May qui a évolué même en termes d'apparence aussi. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on est sorti d'une tante qui avait quand même l'air d'une mamie, l'image d'Épinal qu'on se faisait d'une grand-mère, à aujourd'hui une retraitée beaucoup plus active. Elle est bénévole dans un centre qui donne des repas pour des sans-abri. Elle est très très très engagée dans le milieu associatif. Ouais, elle évolue un petit peu comme Peter Parker évolue, et plus on avance dans le temps, plus on s'éloigne effectivement du personnage qui avait l'air un peu cadavérique au début, avec des tout le temps des chandails sur les épaules, qui s'inquiète au moindre coup de vent, à quelqu'un de plus actif et de plus impliqué aussi. On sait, il y a aussi une part de mystère autour de Tante May. Il y a toujours cette idée de est-ce qu'au final elle est moins aveugle qu'on ne le pense, est-ce qu'elle sait que son neveu est autre chose que simplement un jeune homme suractif, hyperactif, et c'est ça qui en fait un personnage extrêmement intéressant et qui a eu droit également à pas mal de rebondissements au cours de sa vie. Et je vais lâcher une petite bombe, c'est que il y a une série qui s'appelle Trouble. Trouble, par Marc Millar. Écrite par Marc Millar, où il laisse entendre qu'en fait, la tante May, c'est la mère naturelle de Peter Parker et que c'est un secret de famille. Voilà. Donc, oui. Et d'ailleurs, les parents de Peter Parker sont censés être aussi des espions, des gens secrets. Ils sont surtout censés être considérés comme des traîtres à la nation. Ils ont été condamnés. On avait vu ça un petit peu dans le Amazing Spider-Man. Il y a cette idée que sa famille a été en disgrâce et que donc après leur mort, il a été récupéré par l'oncle et la tante. Et alors, il y a aussi les amis de Peter. Donc il y a Harry Osborn, le fils de Norman Osborn, ce mania industriel sans foi ni loi, fils mal aimé, qui aimerait bien un petit peu exister aux yeux de son père, et qui jalouse un petit peu le rapport que Peter a à Norman Osborn. Ou à Satan, d'ailleurs. D'une certaine manière, Harry Osborn rêverait d'être un Parker. Et Parker regarde Harry Osborn en voyant ce gosse de riche et en disant il a pas tous les problèmes que j'ai, quoi. Oui. Et d'ailleurs, ce côté soap opera dont on parlait pour Archie Comics, c'est aussi ce qui fait l'intérêt de Spider-Man depuis autant de temps. Ce qui peut en énerver certains aussi. Hein. Il y en a qui se plaignent de ce côté soap, mais ça donne le charme, effectivement. C'est-à-dire qu'il y a toute une galerie de personnages. Il y a des fois, ils ont fait des posters avec tous les personnages secondaires qu'on peut trouver dans le truc. Il y a un vrai casting qui compte 30-40 personnages récurrents. Quoi. Donc, c'est un univers social. Océane ? Oui, et après, parmi les amis de Peter Parker, donc on a aussi Gwen Stacy et Mary Jane Watson, parce qu'à la base, Mary Jane est une amie de Peter Parker, et c'est elle, après, qui le console quand Gwen meurt. Mais c'est vrai que l'opposition entre Gwen et Mary Jane, c'est la rousse incandescente, très sexy, et tout le temps très lumineuse, qui cache aussi un passé un peu déprimant, face à Gwen Stacy, qui est beaucoup plus cérébrale, et qui a le même niveau d'intelligence de Peter Parker, qui a un look très, très sage aussi, et qui se veut être la porte idéal pour Peter à une vie normale avant que le destin ne s'en mêle. Et d'ailleurs, initialement, Peter Parker n'est pas intéressé par Mary Jane Watson Parker. Il a plutôt son crush, son premier grand crush, son premier grand amour, c'est Gwen Stacy. C'est Gwen Stacy et ils avaient failli se marier, notamment. C'est Liz Allen, mais avec Liz Allen c'est pas consommé, j'ai dit grand amour en théorie dans les années, c'est surtout pas consommé dans les années 60, on se fait des petits bisous et faut pas, attention, il y a ce qu'on appelait le comic code qui veillait à ce que tout ça reste chaste, mais on en revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a eu deux époques il y a eu deux démarrages véritables dans la série, et c'est sûr qu'à partir du moment où Romita Senior dessine la série avec des personnages beaucoup plus ronds, beaucoup plus sympathique, ces deux personnages-là féminins marquent beaucoup plus que celles qui ont précédé, quoi. Et alors, on doit évidemment parler du Daily Bugle, ce journal qui publie comme ça des articles anti-Spider-Man tenus par Jonah Jameson, journal pour lequel Peter Parker travaille et vend des photos de Spider-Man. Donc parlons de ce personnage de rédacteur qui est incroyable. Oui, alors il faut savoir que du coup, nous on a tous l'image de J.K. Simmons très vociférant et très, très ironique dans sa peinture du capitaliste grabataire, très énervé vraiment contre tous ces jeunes fainéants et compagnie. Il faut savoir que dans les comics, il est beaucoup plus vindicatif et beaucoup moins drôle, beaucoup moins attachant. Et c'est vraiment, en fait, donc Jameson, c'est un mec qui en veut à Spider-Man, puisque Spider-Man a sauvé son fils, John Jameson, un astronaute, qui allait s'écraser, tout simplement. Et d'ailleurs, c'est une des rares choses méta que le film Venom a réussi, puisque dans le film Venom, où il n'y a pas Spider-Man, Jameson, du coup, le fils meurt parce que Spider-Man n'est pas là pour le sauver. Je veux pas parler du film. Excusez-moi, pardon. Mais du coup, oui, donc c'est le personnage qui, en fait, participe à tout ce poids qui repose sur les épaules de Spider-Man, puisqu'il monte la ville contre lui. Il en fait un ennemi public, sans raison, en fait, par juste du sensationnalisme. Et effectivement, avec le temps, comme Tante May, il va évoluer vers quelque chose de plus drôle, de plus facile à accepter, au point d'ailleurs qu'il va faire partie de la famille de Spider-Man aujourd'hui, puisqu'il a fini par, enfin, son père a fini par épouser Tante May. Ce qui fait que du coup des relations familiales un peu tendues, on va dire, puisqu'il n'aime pas non plus Peter Parker, évidemment. Oui. Alors, rapport qui a évolué, mais on va pas trop divulguer, si jamais les gens sont intéressés pour lire les épisodes actuels de Spider-Man. Alors, il existe tellement de versions de Spider-Man sur différents supports qu'il devient quelquefois difficile de s'y repérer, film ou comics, et malheureusement, il y a des Spider-Man que les gens n'aiment pas. J'aime pas. Par une araignée transgénique, le timide et baladroit Peter Parker devient un super-homme araignée, l'addition, si vous préférez, de Batman, de Superman et de Sarkozy. Il y a de quoi se lasser de Spider-Man. Le héros est resté trop longtemps enfermé dans un univers figé, entouré des mêmes personnages, eux aussi figés dans leur vie. Enfin, la bande dessinée est une copie plus ou moins réussi de Superman, enfin de tout un mythe qui a servi depuis les années 20. Tout doit rentrer dans l'ordre à la fin pour que Marvel puisse continuer d'exploiter sa poule aux œufs d'or en toute tranquillité. Le plus bel exemple, c'est la saga Superior Spider-Man, commencée avec Marvel Now. Pour vous la faire courte, dans cet arc, Peter Parker est présumé mort. Le docteur Octopus récupère son corps et enfile le costume de Spider-Man à sa place. Alors certes, l'idée est plutôt cool, le ton un peu différent, mais on sait très bien que compte tenu des habitudes chez Marvel, cela ne pourra pas durer. À un moment ou un autre, on va revenir à la situation initiale et Peter Parker devrait récupérer son corps. Et alors là, attention spoiler, c'est exactement ce qui se passe! Presque plus fort que Superman. Pas tout à fait. À bientôt, France Roche. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Jimmy Bismuth, et on le dit dans la séquence troll, que Spider-Man, au bout d'un moment, crée du rebondissement pour le plaisir de créer du rebondissement, mais on a tendance à très vite revenir au statu quo. Qu'en est-il ? Bah, c'est vrai que quand on a l'habitude des comics Spider-Man ou autre, on a cette tendance à avoir des situations des fois extrêmement folles. Ce qu'on a entendu là dans la séquence, le fameux passage d'un Superior Spider-Man où on a un des super vilains qui prend possession du corps de Spider-Man pour essayer d'être un meilleur Spider-Man que l'original. On se doute que ça durera pas. Mais en fait, c'est ça qui fait la richesse du personnage, c'est-à-dire que on peut attaquer Spider-Man à peu près n'importe quand. Dans n'importe quelle décennie, et on aura un récit qui sera vraiment cool, qui sera original et qui aura une fin, parce que il faut revenir à un statu quo pour garder ce côté intemporel et immortel pour le personnage. C'est un petit peu la même chose si je devais comparer comment on arrive à garder de façon artificiellement immortelle un James Bond. C'est exactement la même chose, c'est pour qu'il reste en vie éternellement, il faut créer des situations complètement folles et lui donner des aventures incroyables pour qu'après on puisse le ramener à un statu quo, des bases que tout le monde connaît, que tout le monde peut comprendre, quitte à des fois raconter un peu la même chose. Donc réavoir une origin story qu'on aurait déjà vue, réentendre éternellement le cas de j'ai été mordu, j'ai eu des pouvoirs, l'oncle Ben qui meurt pour la 50e fois, Gwen Stacy qui meurt une fois de plus, etc. etc. Quitte des fois même à carrément évacuer des éléments scénaristiques qui n'auront jamais de réponse. Parce que y a notamment la fille de Peter et de Mary Jane qui a littéralement disparu de la continuité. C'est toute une histoire aussi, ça. C'est parce qu'il y a aussi une grosse saga qui a défrayé la chronique, la saga du clone, qui a été dans les années 90. Hein, mais juste un truc pour revenir sur la critique du recommencement éternel et choses comme ça. Bon, j'ai deux observations. D'abord, dans les trolls, vous avez passé des extraits d'un très bon youtubeur qui s'appelle de la chaîne Comics Ray. Et tout à fait. C'est pas un troll, c'est un gars passionné. Mais d'ailleurs, il savait de quoi il parlait. Je vous conseille d'aller consulter sa chaîne parce qu'elle est sympa. Et pour les autres, je pense quand même qu'il y a une espèce de fond de c'est pas intéressant, donc on s'y intéresse pas et on va pas voir. Parce que la critique de tout recommence pareil, on peut la faire à Lucky Luke. Tous les albums de Lucky Luke se finissent avec le gars qui chante dans le soleil couchant et on peut dire, du coup, tous les albums se valent. C'est pas vrai. C'est pas parce qu'on repasse par un passage. Tintin aussi. Astérix. Donc là, j'ai envie de vous faire des bisous. Cette critique-là, elle, on peut la dire, mais elle est pas valide, quoi. Mais surtout qu'en plus, si on prend les années 2010 et même encore avant, John Michael Straczynski avait vraiment été assez loin avec son propre run, justement, jusqu'à ce fameux mariage, etc. Et même Dan Slott, qui donc a eu un run qui a duré plusieurs années. Qui sont deux scénaristes, donc. Deux scénaristes de comics, tout à fait, de Spider-Man, effectivement. Qui donc a survécu à beaucoup de relances du personnage, qui a été vraiment loin, qui a donné une boîte à Peter Parker, là, l'a rendu millionnaire, milliardaire, lui a donné l'occasion d'être du coup possédé par un personnage qui lui a amené aussi une nouvelle connaissance, des drones pour contrôler une ville et compagnie. Alors effectivement, on finit par revenir à la base, mais en fait chacun de ces scénaristes a pu donner une vision du personnage pendant un certain temps. Ça peut être des mois, ça peut être des années, ça peut être juste une mini-série. Mais on finit effectivement par revenir à une base qui du coup est plus une sorte de feuille blanche pour explorer une piste. Et après, on la rend au scénariste suivant, en fait. C'est le principe des comics, c'est pour aussi en parler pour Batman, Superman et compagnie. Et surtout qu'en plus, par rapport à d'autres personnages, Océane Zerbini, vous me confirmerez ou m'affirmerez ce que je suis en train de dire, c'est que contrairement à Batman ou Superman, qui restent toujours les personnages principaux de leurs propres aventures, désormais, on a vu l'apparition d'autres Spider-Man presque aussi authentiques pour certains lecteurs que Peter Parker l'a été depuis les années 60. C'est-à-dire Miles Morales, qui a eu les honneurs d'une adaptation un film d'animation excellent, Spider-Man Into the Spider-Verse, mais également Spider-Gwen. Il y a Spider-Man 2099, il y a énormément de versions de Spider-Man qui existent et qui cohabitent et coexistent dans le même univers. On a aussi Spider-Ham, qui est très très drôle dans Into the Spider-Verse. Il existe autant de Spider-Man qu'on pourrait en avoir envie d'en lire, en fait. C'est ça qui est génial avec Spider-Man, c'est qu'on prend une base et qu'ensuite on peut l'appliquer à absolument tout, à tellement de personnages à n'importe quelle époque, en plus, qu'on sait que Spider-Man devient un peu une marque, c'est-à-dire qu'il garde certains attributs, mais ensuite chacun a sa petite personnalité. Donc Spider-Gwen, c'est une femme. On a Miles Morales qui incarne très bien la communauté afro-latino aux États-Unis. Chacun a ses petites caractéristiques, mais il y a toujours cet esprit, il y a le même esprit qui reste. Et c'est ça que je trouve passionnant et qui fait que Spider-Man est mon personnage préféré. C'est qu'on peut dire de Spider-Man que c'est mon personnage préféré, mais lequel ? Il y a tellement de déclinaisons qu'on peut trouver son plaisir absolument partout. Et c'est ça qui est jubilatoire. Et d'ailleurs, même au cinéma, là on peut aborder le sujet, c'est-à-dire qu'on voit que pour certains, Spider-Man, c'est de Tobey Maguire, qui a joué dans la trilogie des films de Sam Raimi. Pour d'autres, ça va être Andrew Garfield. Y en a. Andrew Garfield, c'était pas un mauvais Peter Parker, simplement il est tombé sur des scénarios qui étaient un peu bizarres. Quoi. À l'inverse, Maguire n'était pas un très bon Spider-Man, mais ses films étaient excellents. Alors là, par contre, j'ai pas envie de faire des bisous. Je suis d'accord avec Corentin. Pour moi, Maguire, c'est un peu comme le Michael Keaton. On pense pas à Bruce Wayne quand on parle de Michael Keaton, et finalement, il s'en tire très bien. Oui. Et Maguire, c'est ça. Mais Tom Holland est à mon avis celui qui est naturellement le meilleur Peter Parker. Ah, il a une tête de Peter Parker. Il a la voix de Peter Parker. Et aussi. Puis c'est celui qui est le plus proche de l'âge. D'un point précis quand même. Oui, d'un point précis. Du commencement de la carrière. On parlait des versions alternatives via les comics Ultimate Spider-Man, donc qui sont une réinvention par Brian Bendis dans les années 2000. Où Spider-Man est repris beaucoup plus jeune en fait et va suivre une carrière très différente, et c'est vraiment ce qui a influencé la trajectoire utilisée par Marvel Studios, donc la grosse boîte à qui on doit Iron Man et compagnie. Oui, pour leur lecture. Il y aura un blockbuster spécial juste sur Marvel Studios, les films, pour parler un petit peu de cette hégémonie culturelle désormais sur le milieu du cinéma. Il y a une variable de Spider-Man, je me permets de faire une dédicace à un copain. Il se trouve qu'il y a Spider-Man noir qu'on voit un peu dans le dessin animé. Il est à moitié français. Moitié français parce qu'il a été co-créé par Fabrice Sapolsky, qui l'a créé à Paris, quand il était encore à Paris, et qui, grâce à ça, est parti aux États-Unis travailler dans les comics. Et qui a été cité dans le dernier Spider-Man du Marvel Studio Far From Home, et également dans le dessin animé Spider-Man Generations, Spider-Man Into the Spider-Verse, où on le voit carrément doublé par Nicolas Cage. Ouais. C'est incroyable. Grande classe, hein. Grande classe. Je crois que Nicolas Cage est un gros fan de comics, son fils s'appelle Kal-El Cage. Et alors justement, parmi ces autres versions de Spider-Man, est-ce qu'il y en aurait une en particulier que vous conseilleriez à des auditeurs qui auraient envie de découvrir un Spider-Man, mais autre que Peter Parker ? Bah le Ultimate Spider-Man, je pense que tout le monde va le dire. Donc, de Bendis, voilà. De Bendis, effectivement, oui. Et puis plus tard aussi Piccelli, pardon. Mais principalement Miles Morales, puisque c'est une lecture vraiment innovante, très personnelle et qui tient de bout en bout et qui est même encore active aujourd'hui. Beaucoup plus que beaucoup d'autres versions comme le 2099 qui sont plus itinérantes ou le Renew Your Vows. Moi, je le trouve passionnant. Effectivement, il a tous les mérites du monde. Si je veux jouer iconoclaste, lisez un truc qui s'appelle Marvel Zombie. dans lequel le virus zombie envahit la Terre, et les principaux héros Marvel sont devenus des zombies, et il y a des scènes absolument traumatisantes avec Peter Parker zombie qui est obligé de se nourrir, et ma foi, il y a sa tante qui est dans les parages, et voilà. Ouais, je m'en suis par l'auteur de Walking Dead. Dans quelques instants, on va jouer avec un auditeur, mais avant cela, on va écouter Offense de Little Sims. Je rappelle que cette émission est réalisée, comme toujours, par Céline Hila, à la programmation musicale Muriel Pérez, Marie Mougin, Chloé Brassière, Prudence Castelot et Aurore Mansip ont préparé cette émission. Et à la technique aujourd'hui, Michel Bézikian et Juliette Delpero. Figure that's just a song, but you don't wanna hear me vent. You could talk bad all day long, I will never be impressed. Don't know what I did to make you feel that you'd be earning my respect. You do not scare me, no, you are not a threat. Anyone that want it, they can get it in a flash, no sweat. If you're gonna talk on my name, be saying with your chest. Got my team on deck, taking out all pawns on my night, got your queen in check. don't be getting nigga feelings. Will I be the skill this time, even when I trip? I'm Jay-Z on a bad day, Shakespeare on my worst days. Never been a punk, trust you can get it in the worst way. May as well get a birthday cake in it, ain't even my birthday. Cause when I switch, then they wanna say that I'm a. You're not listening, you're not listening. I said it with my chest and I don't care who I offend. Came through swinging at the gate on a mad one, no. Stepping to the kid, trying to bring it, I promise you'll have no luck. You sold out for a quick buzz, and honey, you got no love. No less than what I know that I'm worth and I won't budge. In and out the doorways, jigging, jigging through the broad day. And anywhere would I be now if I went in none of your way? I've been exhausted, man, I think I need a tour break. Might take a trip to the Philippines and my Spanish boy hold a hay. Hold on my plug, like I'm back in town and I need an ounce, give me more flames. Take mom on the street, like it, anything you want, this is your day. I follow the white rabbit, got a couple carrots, I know that I got bad habits. Trying to find a balance, I'm in the store like I wanna have it, I gotta have it. You are not the toughest or baddest, my pen is the maddest. I probably any caboose and it's never right of madness. Gas 7 lane, even on 10, and still they can't manage. They think I'm a shy one, like nah, Sims won't flip. But when I switch, then they wanna say that I'm a. C'était Offense de Little Sims, et bien maintenant on va jouer. Attention, qui que vous soyez, attention. Blockbuster. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Frédéric Sigrist. Sans blague. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Sur France Inter. Et aujourd'hui, on a Julien au téléphone. Bonjour Julien. Bonjour, bonjour à tous. Vous allez bien? Très très bien. Vous nous appelez d'où? Alors je vous appelle de Valenciennes, dans le Nord-Pas-de-Calais. D'accord. Et vous êtes un lecteur de Spider-Man ou plutôt un spectateur des films Spider-Man? Un peu les deux. J'ai repris récemment la lecture des comics Spider-Man. Oui. Et vous en avez un à conseiller aux auditeurs? J'ai beaucoup aimé Spider-Verse. Oui, effectivement. Moi, j'aime beaucoup aussi. Là, il y a Corentin qui fait des grands gestes et tout. Non, moi, j'ai beaucoup aimé Spider-Verse aussi. Bon, alors, vous allez devoir répondre à 3 questions, Julien, 25 secondes chrono. Et si vous ne pouvez pas répondre, que vous faites une erreur ou que vous avez dépassé le temps imparti, vous avez droit, heureusement, à un joker qui vous donne le droit d'être aidé par l'invité de votre choix. D'accord. C'est parti. Quel chanteur américain a essayé de racheter la franchise Spider-Man? Réponse A, Eminem. Réponse B, Michael Jackson. Ou réponse C, Prince? Je dirais Prince. Vous diriez Prince. Eh bien, écoutez, ça n'est pas Prince. Alors, pas de problème, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous voulez faire appel à un joker dès maintenant? Oui, alors à qui vous voulez faire appel? À Corentin, très bien. D'accord. Alors, attention, je repose la question. Quel chanteur américain a essayé de racheter la franchise Spider-Man? Réponse A, Eminem, ou réponse B, Michael Jackson? Mais je dirais que c'est Michael Jackson. Eh bien, c'est une bonne Mais réponse oui. Bravo. C'est merci. Michael Jackson, il était extrêmement fan du héros et il a essayé d'obtenir son rôle au cinéma. Et heureusement que ça ne s'est pas fait. Et quand Marvel a eu des soucis financiers dans les années 90, il a tenté de racheter la franchise. Alors, question suivante, Julien. Les parents de Peter Parker étaient des agents du SHIELD. Ils ont sauvé un autre héros de l'univers Marvel. Lequel? Je vous donne un indice. Snicked. Snicked. Snicked. Je sais pas s'il t'entend bien. En fait. Bub. Nick Fury? Non, Bub. C'est le meilleur dans ce qu'il fait. Attention. Si je vous dis Hugh. Là, j'ai tout dit. Hein. Non. Non? Non, je sais non. pas. Ah bah, la bonne réponse était Wolverine, enfin. Ah mais oui. Mais oui. Bon, allez, dernier essai. Maintenant, on va vous faire écouter un extrait de film en VO. Hop. Itsy bitsy spider went up the water spout. Down came the goblin and took the spider out. Quel est le méchant que l'on vient d'entendre? Le bouffon vert. Et ben voilà. Et ben écoutez, vous savez quoi? C'est une réponse qui vaut 2 points. Donc vous avez gagné. Vous avez gagné. Vous avez gagné l'album Spider-Man, un jour de plus, édition des 20 ans de Panini Comics, avec une couverture inédite de Bastien Vivès, l'auteur de Last Man. Oh. Voilà, ça vous fait plaisir? Bah oui, carrément. Et bah tant mieux. On est ravis de vous avoir fait plaisir. Merci beaucoup, Julien. Bah merci à vous, surtout. Au revoir. Alors, je tiens à remercier tous mes invités, Océane Zerbini, Corentin, Xavier Fournier et Jimmy Bismuth, pour votre présence. J'étais ravi qu'on puisse parler de Spider-Man, la BD, sur l'antenne de France Inter. Donc, on a effectivement donné les conseils de lecture. On peut conseiller aux gens d'aller voir le film Spider-Man Far From Home rapidement? Oui, on peut le conseiller. On peut? Ça mérite une place de cinéma. Je pense que les gens, de toute façon, vont le voir sans qu'on leur conseille. voilà. Oui, c'est vrai, c'est pas faux non plus. Jimmy? Oui, évidemment qu'il faut aller le voir. Surtout si on a vu tous les autres films, ce serait dommage de s'arrêter là, quoi. Voilà, bon, vraisemblablement, Marvel Studios va encore gagner beaucoup d'argent pendant très longtemps. C'est ça. Bon, comme toujours, je rappelle aux éditeurs que vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20. Je répète, le 01 56 40 30 20 sur le sujet du jour, c'est-à-dire Spider-Man, ou si vous voulez revenir sur les précédents blockbusters qui ont été diffusés. Et vous pouvez nous retrouver sur la page Facebook de l'émission ou sur le Twitter, hashtag blockbuster EFI. Et justement, si vous voulez participer au jeu, eh bien, vous répondez à une petite question posée par Chloé Brassière. Et si jamais vous avez la bonne réponse à cette question, vous pourrez participer à notre jeu. On se retrouvera demain pour parler d'une série dont la fin a été plus polémique encore que Game of Thrones. Hein, une série pour laquelle on a reçu beaucoup de messages en disant « Attention, hein, vous en dites du bien hein. !» On va bien évidemment parler de Lost. Spider-Man, c'est un criminel, voilà qui c'est. Après le journal, on retrouve Dorothée Barba. Bonjour Dorothée. Bonjour à tous. Est-ce que Spider-Man, c'est un sujet sur lequel on peut se battre si on n'est pas d'accord, Frédéric? Oh, tout à fait. Voilà, on parle du débat dans le débat de midi aujourd'hui. C'est une mise en abîme. C'est une mise en abîme. Exactement. Les débats ont-ils encore des idées? Voilà l'intitulé. On va s'interroger sur la qualité du débat public en France aujourd'hui avec les réactions des auditeurs qui nous parviennent sur franceinter.fr. À la page du débat du midi. Et c'est après les infos, je crois. Mais c'est après les infos, et j'ai envie de dire, vaste débat. On a une heure, ça va aller, vous croyez? Je pense que ça va aller. Donc, je suis très inquiète. À tout à l'heure.